إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن تقوى الله عز وجل خير زاد وأعظم أمر يلقى به العبد ربه يوم المعاد يقول عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله لقد تكاثرت الدلائل والنصوص في الحث على الحياة والتغريب فيه وبيان مكانته العلية ومنزلته الرفيعة وبيان ما يترتب عليه من الآثار العظيمة والثمار الكريمة على العبد في الدنيا والآخرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يعيذ أخاه في الحياة فقال له عليه الصلاة والسلام دعوه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء شعبة من شعب الإيمان وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير وجاءت في رواية لمسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله وقال أو قال الحياء كله خير والحديث في هذا المعنى كثيرة عديدة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على أن الحياء خلة كريمة وخصلة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده كما جاء في حديث لأجج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله الحلم والحياء عباد الله أعظم الحياء شأنا وأعلاه مكانة أوله بالعناية والاهتمام الحياء من الله تبارك وتعالى الحياء من الله جل وعلا الحياء من خالق الخليقة وموجد البريئة الحياء ممن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية ألم تعلم بأن الله يرى إن الله كان عليما رقيبا والله بما تعملون بصير الحياء من الله المطلع على سرك وعلى نيتك وغيبتك وشهادتك الذي لا تخفى عليه منك خافيا. الحياء من الله خلق كريم وخصلة عظيمة تنشأ عن أمور ثلاثة. الأول منها رؤية نعمة الله تبارك وتعالى عليك ومنته وفضله، والثانية رؤيتك تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب لك بما يجب لله عز وجل من امتثال المأمور وترك المحذور. والأمر الثالث أن تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فهو لا تخفى عليه منك خافية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في القلب تحرك في القلب حياء من الله، حياء عظيم من الله تبارك وتعالى، ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا وجد في القلب الحياء من الله جل وعلا امكثت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت النفس على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. الحياء من الله جل وعلا ليست كلمة يقولها المرء بلسانه، وإنما هي حقيقة تقوم في قلب العبد فتبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات وكل الأحايين وجميع الأوقات. وتأملوا رعاكم الله هذا الحديث العظيم الذي يجلي هذه الحقيقة ويبين لنا هذا المقصد الجليل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وهو حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. عباد الله، الحياء من الله خلق يقوم في قلب العبد يستدري فيه أمور عديدة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تحفظ الرأس وما وعى. فالرأس عباد الله فيه السمع والبصر واللسان، وفيه الشم، وفيه أكثر حواس العبد. ومطلوب من العبد إذا كان يستحي من الله أن يحفظ جميع الرأس وما حوى، أن يحفظ السمع فلا يسمع به ما يسخط الله حياء من الله تعالى، وأن يحفظ بصره فلا ينظر إلى ما يغضب الله حياء من الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ لسانه فلا يتكلم فيه بما يسخط الله حياء من الله تبارك وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. ومن الحياة أن تحفظ البطن وما حواه، أي باطن الإنسان، ومن أعظم ما حواه والبطن القلب. فقلبك عبد الله أعظم ما ينبغي أن تحقق فيه الحياة من الله، بل هو موطن الحياة وأساس الحياة. وإذا تحقق في القلب الحياء من الله صلحت الجوارح كلها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومن تحقيق الحياة من الله تبارك وتعالى ألا يشتغل العبد بفتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها عن طاعة المولى جل وعلا، بل يتذكر أنه سيلقى الله وأنه سيغادر هذه الحياة وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبر وحيدا ليس معه إلا عمله الصالح. وأن تذكر الموت والبلاء، إذا تذكرت أنك ستموت وأنك ستبلى وأنك ستقف أمام الله وأن الله جل وعلا سيسألك عما قدمت في هذه الحياة، فكل هذه الأمور دوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله جل وعلا. ويعينك على تحقيق الحياء أن يكون دائما نسب عينيك الدار الآخرة وما عد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم أو عذاب. قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أن تكون مريدا بأعمالك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، فيتحرك فيك أعمال صالحات وطاعة زاكيات وأخلاق فاضلات تستمر عليها في هذه الحياة. يقول عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عباد الله، عندما ينزع الحياة من العبد عياذا بالله فلا تسأل عن هلكته واجتماع الأنواع الشرور فيه، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن من الأمور التي كانت متوارثة في قديم الزمان إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث العظيم عباد الله يدل دلالة واضحة على أن من نزع منه الحياء والعياذ بالله فإنه لا يبالي في أي شرور فعل وفي أي آثام والمعاصي باشر ووقع فيها، وذلك لانتزاع الحياء من قلبه وذهابه من نفسه، فهو لا يستحي من الله جل وعلا، فلا يبالي في الذنوب ولا يبالي في الغشيان المعاصي والآثام، فتنتقل به نفسه الردية وقلبه المريض الذي لا يستحي من الله ينتقل به في أودية الهلكة حتى يلقى الله جل وعلا ويقف بين يديه وقد أهلكته الذنوب. وإن البلية كل البلية حين ينزع الحياء من المرأة المسلمة، فلا تستحي من الله ولا تستحي من عباد الله ولا تبالي بخروجها من بيتها بلا حاجة، لا تبالي بعفافها وعرضها ولا تبالي بحجابها ولباسها، تخالط الرجال وتلبس اللباس الضيق. تغيرت أحوال الرجال والنساء، فما كانوا قديما يستحيون منه بل قد كانوا يغضبون عليه أصبحوا لا يبالون. يرى نساءه بهذا اللباس ولا حياء، ويراهن خراجة ولاجة ولا يسأل أين كنتن، يرى التبرج واللباس الفاضح ولا تترف له عين. هذا كله من ذهاب الحياة من الله جل وعلا، نسأل الله العافية. فيا أيتها المرأة المؤمنة جانب هذا الصنف من النساء وكوني نموذجا يقتدى في العفة واللباس الشرعي ليقتدى بك بناتك. ويا أيها الولي من أب أو أخ كونوا كذلك نموذجا في الغير على دينكم وأعراضكم ليقتدي بكم بنوكم ويحفظكم في غيبتكم. فالواجب علينا عباد الله أن نتدارك أنفسنا بالحياء ممن خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا بأنواع المنن والنعم، ومع ذلك فلا نزال نقصر في جنابه وفي تحقيق الواجب نحوه، مع علمنا بأنه تبارك وتعالى يرانا ويطلع علينا ولا تخفى عليه منا خافية. عباد الله، إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هوى وتمنى على الله الأماني. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباع، وأن يرينا الباطل الباطل ويرزقنا الشناب. قولوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant soumis à Allah Azza wa Jal, et ne mourrez qu'en étant musulman, soumis à Allah Azza wa Jal. Craignez Allah et Allah vous éduquera, craignez Allah et Allah vous donnera la clairvoyance et la bonne compréhension de la religion. Sachez, serviteur d'Allah, que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que les plus mauvaises choses et les pires des choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah Azza wa Jal, dans le but de se rapprocher d'Allah. Et sachez que toutes ces choses inventées dans la religion complète d'Allah afin de se rapprocher d'Allah par ses œuvres inventées sont toutes des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous invoquons Allah azza wa jal qu'il nous guide tous sur la voie prophétique. Serviteur d'Allah, craignez Allah comme il se doit, car la crainte pieuse d'Allah Azza wa Jal est la meilleure des provisions. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Il y a de nombreuses preuves et textes démontrant l'importance de la pudeur et son statut important en islam. Et tout ce qui découle de cela pour le serviteur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Il a été rapporté dans les deux sahih, Bukhari et Muslim, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abdallah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un homme qui faisait des remontrances à son frère, car il était trop pudique, au point de le menacer et de le frapper. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, laissez-le, car la pudeur n'apporte que le bien. Également dans les deux sahih, selon Abi Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur est une des branches de la foi. De plus, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Imran ibn Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur n'apporte que le bien. Et dans la narration de Muslim, la pudeur n'est que du bien. Et il y a de nombreux hadiths dans ce sens. La pudeur est un caractère qu'Allah le Très-Haut aime de ses serviteurs. Dans le hadith d'Al-Ajjiyab Abdelqais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il y a en toi deux caractères qu'Allah aime. Al-Hilm, Al-Hilm, ça regroupe le fait d'être patient tout en gardant son calme. Et la pudeur. Ce sont ces deux caractères-là, Al-Hilm et la pudeur, qu'Allah Azza wa Jal aime. La plus importante des pudeurs à acquérir, c'est la pudeur envers Allah le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, celui qui te voit où que tu sois, et dont rien ne peut lui être caché. Oublies-tu qu'Allah nous observe constamment et qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites? La pudeur envers Allah, qui connaît tes secrets et ce que tu montres aux gens, celui dont rien de toi ne peut lui être caché. La pudeur envers Allah le Très-Haut est un noble caractère qui s'acquiert en regroupant trois points. Le premier, que tu reconnaisses les biens et les faveurs d'Allah le Très-Haut sur toi. La deuxième, que tu reconnaisses tes manquements dans le droit d'Allah, tes manquements dans ce qu'il a ordonné et contre ce quoi il a interdit. Et le troisième point, que tu saches qu'Allah le Très-Haut connaît tout de toi, connaît tout ce que tu fais, à n'importe quelle heure, où que tu sois, et que rien ne peut être caché à Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui t'a créé, et c'est lui qui connaît mieux ses créatures que les créatures pensent se connaître elles-mêmes. Il connaît leur état d'être, leurs pensées, leurs croyances, lorsqu'ils sont seuls ou devant les gens, que tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites à tout temps et en tout lieu. Si tu réunis ces trois points dans ton cœur, la pudeur envers Allah Azza wa Jal agit alors dans ton cœur. Et de cette pudeur découlent tous les bons comportements et tout le bien, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur n'apporte que le bien. Lorsque la pudeur est ancrée dans le cœur, cela fait écarter l'individu qui la possède loin des mauvais comportements, loin des bassesses de caractère, loin des comportements interdits, et cette âme se met à entreprendre l'accomplissement des œuvres pieuses en faisant les actes obligatoires tout en s'assurant de conserver un comportement honorable. La pudeur envers Allah Azza wa Jal n'est pas juste une parole comme on entend de nos jours. Je suis pudique, mon cœur il est pur, etc. Hein? Tout ce genre de discours. La pudeur envers Allah Azza wa Jal n'est pas juste une parole qui est prononcée par l'individu sur sa langue, mais c'est une réalité présente dans le cœur du serviteur qui le mène à accomplir des bonnes œuvres, à délaisser ce qui est détestable et interdit, et à avoir constamment conscience qu'Allah le Très-Haut, Seigneur de tout l'univers, nous observe constamment. Médite donc sur ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi dans son Jami' et qui a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Ce hadith qui montre la réalité de la pudeur et ce qui est voulu par cela. Selon Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous devez éprouver la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah. Ils dirent, ô envoyé d'Allah, nous éprouvons de la pudeur et la louange est à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce n'est pas cela. Éprouvez la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah et de préserver la tête et ce qui se trouve dessus, le ventre et ce qui est autour, de se rappeler la mort et la décomposition, yani la décomposition de ton corps. Et celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. Celui qui fait cela aura éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Aura éprouvé la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah. Donc préservez la tête et ceux qui se trouvent dessus. Cela inclut l'ouïe, la vue, la langue, l'odorat. Et ce qui est demandé aux serviteurs, s'il éprouve de la pudeur vis-à-vis d'Allah, qu'il préserve toute sa tête et ce qui est dessus. C'est-à-dire qu'il préserve son ouïe, qu'ils n'écoutent pas ceux qui encourent la colère d'Allah Azza wa Jal. Mais tu écoutes ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas une fois de plus trompés par ces du'at ala abwab jahannam, ces prédicateurs aux portes de l'enfer, qui disent aux gens ce n'est pas grave, qui disent aux musulmans mais c'est pas grave, tu peux écouter de la musique tant qu'il n'y a pas de mauvaises paroles. Ce qui t'apporte la sérénité, la tranquillité du cœur, ce n'est pas en écoutant ces musiques faites par cette armée du shaitan. Mais n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ? فَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. C'est par cela que ton cœur s'apaise. En lisant le Coran, en l'écoutant, tu te rappelles de la révélation d'Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles que tu es éprouvé dans cette vie d'ici-bas. Tu te rappelles que cette dunya n'est pas le paradis. Et comme tu sais que cette dunya n'est pas le paradis, tu comprends naturellement qu'il y aura des épreuves et des problèmes. Car dans le paradis, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de problème. Donc ne sois pas trompé par ceux qui invitent à autre que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font que encourager les musulmans et les musulmanes à être hypocrites envers leur religion, car Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit Al-ghina yunbitu an-nifaq fil qalb. La musique et les chants plantent l'hypocrisie dans le cœur. Donc ils n'écoutent pas ceux qui encourent la colère d'Allah par pudeur vis-à-vis d'Allah. Qu'il préserve sa vue, il ne regarde pas ceux qui encourent la colère d'Allah par pudeur vis-à-vis d'Allah. Car tu sais qu'Allah Azza wa Jal sait ce que tu fais, sait ce que tu observes, sait ce que tu écoutes, sait ce que tu dis. Donc tu délaisses ces mauvaises choses pour Allah Azza wa Jal et par pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tu préserves ta langue. Tu ne dis pas ce qui encourt la colère d'Allah par pudeur vis-à-vis d'Allah. Tu évites les insultes, tu évites ce qu'ils appellent les gros mots, les mauvais langages, car tu sais qu'Allah Azza wa Jal sait ce que tu dis. Allah Azza wa Jal t'entend, il sait ce que tu dis. Allah Azza wa Jal, il t'a créé, il te donne des biens. Et certains en arrivent à accomplir ce kufr qui les exclut de l'islam en insultant Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal les a créés et leur donne leur rizq. Le sang coule dans leurs veines, ils ne s'en rendent même pas compte. Leur cœur bat, ils n'y prêtent même pas attention. Ils pensent que ce sont des choses. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné tout cela. Donc par pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu ne dis que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Ou tu te tais. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien, une bonne parole, ou qu'il se taise. Donc au lieu de se réunir dans les cafés, ou dans les maisons, pour démonter un tel ou un tel, ou dire un tel, regarde ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, ou médire sur autrui, oublies-tu qu'Allah Azza wa Jal sait ce que vous faites et ce qui est dit? Mais lorsque tu te remémores de cela, par pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tu délaisses tout cela, car tu sais que de toute façon, tu resteras seul dans ta tombe avec tes œuvres. Dans un autre hadith authentique, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et par pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et qu'il dise du bien ou qu'il se taise, alors dis du bien, dis la vérité. Mais si tu ne connais pas des choses ou tu n'es pas sûr d'une chose dans la religion, tu te tais et ne mens pas sur Allah Azza wa Jal et son prophète en voulant faire des analogies et en pensant que je ne vois pas où est le problème. par pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, que le serviteur préserve son ventre et ce qui est autour, c'est-à-dire qui est à l'intérieur de l'individu. Et parmi les choses les plus importantes à l'intérieur de l'individu, c'est le cœur. Car le cœur est l'endroit où tu concrétises la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Si la pudeur vis-à-vis d'Allah est concrétisée dans le cœur, tous les membres sont corrigés et les œuvres apparentes deviennent bonnes. Tel dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Dans le cœur, il y a un morceau de chair, que s'il est bon, tout le corps le sera, et s'il devient corrompu, tout le corps le deviendra. » N'est-ce pas que c'est le cœur ? Et pour concrétiser cette pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, que le serviteur n'occupe pas son temps avec les troubles de ce bas monde et tous ceux qui vont l'occuper de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers. Mais il se doit de se rappeler qu'un jour, il rencontrera Allah et qu'il se rappelle qu'il va quitter cette vie d'ici-bas et qu'il se rappelle qu'un jour, il sera placé seul dans sa tombe, personne pour compagnie, seulement ses œuvres pieuses. Et que tu te rappelles de la mort et de la décomposition. Lorsque tu te rappelles que tu mourras et que tu te décomposeras dans la terre, ton corps va être décomposé dans la terre. Puis Allah Azza wa Jal te recréera et que tu seras debout devant Allah Azza wa Jal qui te questionnera sur ce que tu as avancé comme œuvre dans cette vie d'ici-bas. Tout cela mène le serviteur, lorsqu'il se remet en question, lorsqu'il remédite sur tout cela, eh bien cela va mener le serviteur à concrétiser la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de tout l'univers, le vivant qui ne meurt jamais, tandis que nous, comme créatures, nous avons tous une fin. Nous allons mourir et Allah Azza wa Jal nous recréera. Et alors, il y aura le jugement. Et alors, l'individu selon ses œuvres, soit le paradis, soit l'enfer. Soit le paradis, soit l'enfer pour les kuffars et les munafiqines de cette umma qui s'affilie à l'islam et qui le combattent. Ou soit l'enfer pour ceux qu'Allah Azza wa Jal aura décidé de les châtier de par sa justice. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Ce qui t'aide également à concrétiser cette pudeur, c'est que tu aies constamment conscience de l'au-delà et ce qu'Allah Azza wa Jal a promis comme bienfait ou bien comme châtiment. Puis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, celui qui veut l'au-delà délaisse la beauté de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'en faisant les œuvres pieuses, tu ne cherches qu'Allah Azza wa Jal par cela et la demeure dernière. Tu ne fais ces œuvres qu'en étant sincère vis-à-vis d'Allah le Très-Haut et tu recherches son agrément et souhaites sa récompense. Lorsque tu fais tout cela, tu as cette pudeur véridique qui te mène à faire les œuvres pieuses, à te soumettre à l'obéissance à Allah Azza wa Jal, à avoir les bons comportements et tu restes à œuvrer ainsi dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset « Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyant, tout en étant croyant, alors l'effort de cela sera reconnu. » Serviteur d'Allah, lorsque la pudeur est retirée du serviteur, qu'Allah nous en préserve, ne questionne pas sur son égarement et le rassemblement de tous les types de mauvaises choses en ce genre d'individu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih, une des paroles prononcées par tous les premiers prophètes et qui nous est parvenue, si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce qu'il te plaît. Serviteur d'Allah, ce hadith montre clairement que celui dont la pudeur a été retirée de lui, qu'Allah nous en préserve. Il ne prête pas attention aux mauvaises œuvres qu'il fait, ni quel péché il commet. Tout cela, car la pudeur a été retirée de son cœur. Il ne ressent aucune pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Son âme mauvaise et son cœur malade, qui n'a pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le mène dans tout ce qui va le nuire et le corrompre. Le pire aujourd'hui, c'est lorsque la femme musulmane perd sa pudeur. Elle n'a plus de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Elle n'a pas de pudeur envers les serviteurs d'Allah. Elle se fiche de ses sorties de sa maison sans aucune nécessité. Elle se fiche de sa chasteté et de son honneur. Elle se fiche de son hijab et de sa tenue. Elle se mélange aux hommes. Elle porte des tenues serrées, se découvre la tête. L'état des hommes et des femmes ont changé. Ce qui auparavant menait à la colère pour tel comportement, aujourd'hui, avec la banalisation du péché, ils n'ont plus de pudeur vis-à-vis d'Allah. L'homme ne questionne même plus sa femme, où elle était, ni si elle sort. Il observe sa femme sortir et rentrer sans rien lui demander. La laisse sortir dénudée, sans hijab, pantalon serré, et se considère comme quelqu'un de moderne, alors qu'en toute réalité, c'est revenir en arrière. C'est revenir au péché qui a fait que Adam et sa femme ont été dénudés. Puisque Adam et sa femme, alayhi salam, c'est en mangeant de l'arbre interdit au paradis qu'ils se sont retrouvés dénudés. Donc, lorsqu'ils se découvrent, ils reviennent en arrière. La femme refuse de se soumettre à Allah et de se couvrir, puis accuse celles qui se soumettent à Allah comme étant elles les hypocrites, subhanallah, comme étant elles les mauvaises. Mais ces femmes qui sortent sans leur hijab, ou avec leur voile sur la tête et le pantalon en dessous, ou en portant des vêtements serrés, elles vont dire que leur cœur est pur et qu'elles sont les femmes les plus sincères sur terre. Tandis que les autres, qui se soumettent à Allah et qui portent le libas shar'i, la tenue légiférée, ils disent ce sont des hypocrites, ce sont des femmes mauvaises. Et subhanallah. Tu accuses les sœurs portant la tenue légiférée comme étant hypocrites et des femmes mauvaises. Alors toi, soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Et de la pudeur envers ton Créateur. Crains le jour où tu devras rendre des comptes et montre l'exemple de la musulmane qui a cette pudeur. Tu accuses cette sœur qui porte la tenue légiférée que c'est une hypocrite. Eh bien, toi, porte la tenue légiférée et montre l'exemple de la femme musulmane qui a cette pudeur. Sois la musulmane qui est ainsi un bon exemple au sein des siens, de sa famille, de son environnement, afin que ta fille suive ton comportement émanant de cette pudeur véridique vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Aux hommes d'être des hommes qui ont de la jalousie pour leur religion, en appliquant avec véracité cette pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Soyez des exemples pour vos enfants, afin qu'ils suivent vos pas et protégeront ainsi votre honneur et demeurent en votre absence. Ce qui nous incombe tous, serviteurs d'Allah, que l'on travaille notre âme à ce que la pudeur vis-à-vis d'Allah soit ancrée dans nos cœurs. Que nous réalisions sincèrement les manquements que l'on a vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, afin de les corriger avec l'aide d'Allah, malgré que l'on sait qu'Allah nous observe constamment et qu'il sait parfaitement ce que cachent nos cœurs. Malgré cela, nous avons ces manquements. Qu'Allah nous facilite dans son adoration. Serviteur d'Allah, celui qui est raisonnable pousse son âme à se réformer et œuvre avec piété pour ce qui est après la mort. Voilà celui qui est raisonnable et qui ne soit pas aveuglé par cette dunya dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé comme un palmier dans le désert. Tu es dans cette dunya comme le voyageur qui se repose sous cet arbre pour prendre un moment de l'ombre du soleil, puis va continuer sa route. Le temps que tu as passé sous cet arbre, c'est ton temps dans la dunya. Tandis que celui qui mène son âme à l'égarement et à la dépravation est celui qui laisse son âme suivre ses passions tout en souhaitant d'Allah. Il désobéit à Allah, il refuse de se soumettre à Allah et il vit avec l'espoir qu'Allah lui pardonne. Mais tu dois faire les efforts, tu dois faire les causes, tu dois œuvrer, tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Tu ne pourras pas dire le jour du jugement, mais on l'a tous fait. Tout le monde le faisait. Notre pays, tout le monde faisait comme ça. Ce n'est pas une excuse. Allah Azza wa Jal te l'a ordonné à toi. Il te l'a ordonné. Et il t'a interdit des choses. Tu ne peux pas reposer l'erreur sur quelqu'un d'autre. Qu'Allah nous guide tous et nous aide dans l'acquisition de cette pudeur véridique et sincère. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt. تبارك ربنا وتعاليت اللهم أرينا الحق حق وارزقنا اتباع وأرينا الباطل باطل وارزقنا اجتناب اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد